Siento con gamba. Que te suelas. Haz tu dilaje. Voy a comer un minga. Porque iba a mula, la bambula, bolivar, yo que amo pena, bolivar. Patrick Bologna. A tabo tazo ti mananda, cuasa na toya preavi. Kaka ya mule matalite, trebo, nego ya kato solo lae. Parfois, il faut que tu nous a libéré. On a dit bon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons spécialiste que nous Atala isere si organo ebenda kanga epana yo Alibire yo nga impena mibibire Apre tu motema ya mwana motoba forsa kate murinyo Adolfo mute bachila mwina Ya moke molile na moiba plodir ba mure Ote mama na sande te lokola nege ngalina na na kolela Mvule kono kaninzo te poko ima Frank Bosa Tani patata ya mwuma bonika kabrina e nzala na ngalilo Mosika na kotara la kosili sae veni na bamaki Na sala nene nini nga iko riches na ma febles Manda vazwe linga yeko luke tologe Asia formata loke toa Michel Kanyembo Azana batubre doktora ya fakilte de feidamu Azana na beri zusu njoka mote matologe Avuzule na kakabu ya ta cicatricete Kanyembo Quand on accuse son chat de rage, qu'on sait ce qu'on veut en faire. Ça n'est qu'un petit secret de policier. Jonathan Lutman, Azarani, Bali Molongo, à côté de Bena Molongo. Naïka, Kayo, mon colicouta, na cuisine, na ecclesia. Il fallait que la tête ma bunza, na espérer paradis. T'es chérie, banda, kala, gangi, kagambi, si moko. Toya, ba, requin, a kangi, pake, bon, bumba. A koni, goutou, gozo, misa, ba, ma bundu, na mai. Gigi Palmi la Palmeraie Gigi Mpia Céline la Zalakana Goumoko magnifique A Zalakana Voimoko angélique On dirait le seul ange Oyunzambe a Bengana na paradis Omo Mbomana et Zalako Pesta Kampetre Nzambe Pongi Yamunzamba Komake Zaretara Go régler va problème Abato a Mokili A Zitikia na Mokili Kasia Tika Kana Pasto a Mokili Amo Mado Kitoko Mere Vina Saurina Gise Mase Vale Jibese Na Nutrela Nga Mishe Kanyi Mona We Mandili Bise Nani Ose Usili Sana Bonane Nyanga mkolo ni ni na ni machidye Kanyembo Nye mwinga Azolela Nazo senga yo Michel Kanyembo Mupa wakangela mabili mabili tusa Awe Yes Lorsqu'on est seul on va vite Mais quand on est deux on va plus loin Mama, me, you know, I love you. Moïse Katumbi, Elita Gar. Pardon, Koti Kangai, Ena Afonte Langai, Malile Lange, Boma Jean-Paul, Ena Mbaya. Narenga Bolingua, Fota Malilia, Kota Lilitai, Bamema, Vreman Zotora, Ena Lamurie. Pardon, Koti Kangate, Michel Kanyembo. Pardon, pardon, Michel Kanyembo. Papa del Timo, le gramo pao, ejemplo, ejemplo, papa como mi, na sole na e. Le jour où vous petit rien que rien, vous m'avez à côté de la guerre. Pour l'homme, comme d'affaires, il la comte de la coco. Pardon. Victoria Tondo, Patrick Isuka, Trésor Ngando, Wagigi Boutique, Maître Clarisse Kanyimbo, Rudimbaki, Gaël Owono et Sonor, Bouba Ousso Bourgeois na Libreville, Patrick Kanyimbo. Pardon Kotika Naïte na Frontela Naï. Pardon Kotika Naïte na Frontela Naï. Michel Kanyimbo Zamou Barilanga Yadri. Michel Kanyimbo Zamou Barilanga Mate. Pardon. Qu'est-ce que le jour nous voit petit rien que rien? Nous ramasser d'assis à côté la qui vient coucaille. Tout en amélien, y'a que ça la compte goûter. Mila, c'est la coquille au coca de mon évêque. Fede Kandolo Bula Bernard Yona Valder Zimmer Muteba Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula B